ses vacances, partir au bord de la mer. Laisser la vie dure et la rengaine derrière. Oublier les problèmes même si la vie est chère. Une pression que j'accepte, c'est m'ouvrir une bière. Les deux mains sur mon volant, en route pour le sud qui nous attend. Personne ne se retourne pourtant, des voisins assis nous saluant. On sort de l'autoroute, quelques kilomètres à faire. Le paysage est aride en sent la douceur de l'air. Zigzagant la colline, quelqu'un a vu la mer. Non, ce n'est pas un mirage, les enfants regardent derrière. Les deux mains sur mon volant, en route pour le sud qui nous attend. Personne ne se retourne pourtant, des voisins ainsi nous saluant. Hey! Les bateaux hissent la voile, le vent souffle sur la toile, le maillot nous sert.